Les éditions de l'avenir présentent Les arènes d'Aubioche. Une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans Basis hors série, numéro 9. K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Kael dans le rôle de Melbar Kazum, Aldor dans les rôles de Rick Pavel et de Laforan, Atumi dans le rôle de Carlo Dobar, Alexandre dans le rôle du colonel Ternet, Torek dans le rôle du sergent Lamar et Christian Martin à la narration. Chapitre 4, première partie. Depuis quelques heures, les changements de régime des moteurs du Pierre-le-Grand n'avaient pas échappé aux prisonniers qui savaient donc que le vaisseau avait quitté l'entre-espace et que, par conséquent, le but de leur voyage approchait. Cette certitude eut des effets différents sur les réactions des captifs. Alors que le sergent Lamar se rongeait visiblement les sangs, anxieux de connaître le sort qui lui était réservé, Mazas, Rick et le colonel ne laissait paraître aucun sentiment particulier, comme indifférent à ce qui les attendait. Les deux adaptés, quant à eux, semblaient avoir hâte d'en découdre, quel que soit l'adversaire qui leur serait proposé. Depuis le temps qu'ils étaient enfermés entre quatre murs et limités dans leurs mouvements à cause des chaînes qu'ils portaient, les deux colosses ne rêvaient que de libérer leur trop-plein d'énergie. Une légère secousse, suivi d'un balancement qui dura 3-4 secondes, leur apprit que le vaisseau prison s'était posé. « On ne devrait pas tarder à avoir de la visite », annonça Rick en regardant sa sœur. Mais ses prévisions s'avérèrent inexactes et aucun forban ne s'était encore manifesté 6 heures après l'atterrissage, ce qui eut le don de les énerver quelque peu. « En plus, on dirait qu'ils ont oublié l'heure du repas !» maugréa l'étrusien en frottant son imposant abdomen. Étrangement, les pirates n'avaient pas réagi lorsqu'ils avaient constaté que le géant n'était plus attaché à la cloison. Tout au plus, lui avait-il enjoint de se tenir, en compagnie de Carlo Dobar, contre le mur situé en face de l'entrée à chaque fois qu'ils apportaient la nourriture. Nourriture qui, pour l'heure, brillait par son absence. Aux grandes dames des deux colosses, dont le métabolisme basal nécessitait l'absorption quotidienne de grosses quantités d'aliments. Tout finissant par arriver, la porte glissa enfin sur le côté, aussitôt remplacée par le rideau énergétique. Dès que celui-ci fut désactivé, le chariot tant attendu fit son apparition, en même temps que Lara, Laforan et deux Topinguets armés jusqu'aux dents. « Dépêchez-vous de manger !» « Dans une heure, vos nouveaux maîtres vont arriver. » Et le second de Lougarne referma le ventail, non sans avoir gratifié les prisonniers d'un ricanement sardonique. « Qu'est-ce qu'il a voulu dire avec ses nouveaux maîtres ?» s'étonna le colonel Ternet. « J'ai l'impression que nous avons tout simplement été vendus à des habitants d'Aubioche. » expliqua Mazas. « Vendus ?» s'offusqua le sergent Lamar. Hey, « Hé, vous n'avez jamais lu l'histoire de Rome lorsque vous alliez à l'école ?» se moqua l'Oxternier. Les arènes et les gladiateurs doivent forcément vous rappeler quelque chose. Eh bien, figurez-vous que ces combattants qui s'étripaient pour le plus grand plaisir du bon peuple étaient la plupart du temps la propriété des nobles romains qui les louaient aux organisateurs des jeux du cirque. Il s'agissait très souvent d'esclaves et de prisonniers de droit commun dont la finalité était de mourir en offrant un beau spectacle. Et dans le cas présent, c'est nous qui allons jouer le rôle de ces gladiateurs. Le sous-officier lui répondit d'une grimace dégoûtée. Pendant ce temps, Mais le barcazome s'était approché du chariot et emparé d'un gigot dont la taille aurait largement suffi à nourrir une douzaine d'hommes normaux. Il y mordit à belles dents, en avala une énorme bouchée et énonça « Mazas a certainement raison. Aussi, vous feriez bien de vous mettre à table. Et de manger solidement, car nous ne savons pas quand aura lieu notre prochain repas. » Conseil qui fut suivi à la lettre.